prononcer pour ñu tassé bi su fekkenté nak amul ak yo xamantene mom la ko manken ba tax wala bok ay raison yu valable bu boba juge bi du mën tassé bobu tamit parce que sey ci loxol goor gi la nek comme la waxa do alladhi bi yadi yaqdatu nikah voilà kon affaire bi voilà lool mom moy circonstance wallahu ta'ala juste pour rajouter exactement parce que lolu boba lolu lañu manam su fekkante ne situation la bo xamantene juge de l'islam amul comme ni xamantene lolu la uppe ni mu xewé ci ñu jamono wala surtout rew yi ñi dund bu boba dañ ko yobu ci ko xamantene ki nga xamantene manam mum autorité la ci diini manam borom xam xam la wala yu mel non ñoñu lañ ko yobu manam duñ jël tamit n'importe qui rek ci mbeddu mi rek neko atter affaire bi parce que lolu soko defé mais il faut que ñu dem ci ko xamantene mo manam xam xamam wolu luñ ko teet ak manu tam wolu luñ ko tamit boowa ci koko lañu dem mu daal teural atté bi légui nak voilà mom moy joxé voilà atté bi ce qui fait que lolu mom moy li al khattab don wax rahmatullah alayhi bimu non wax né dëkk bo xamantene réew mo xamantene dañu dem manam julit ki amul manam qadi amul amatul muslimin ñom ñoy qadi manam moy julit ñi dama ñëxé na ñoy qadi ce qui veut dire que ni kenn ku ci nekk mën nga dem ci kenn ku mu doon ci dëkk bi wala ci koñ bi ci biir julit ñi rek ko xamantene mom ak manam xam xamam mbir mi xam xamam atté sharia bi ak ak ki wam wourna manam ak manam ndiort nañ ci mom ragal yalla leer na rek koku mën na teural atté mom comprendre wallahu ta'ala ala wala cadre figure bobu ci lay mëna nek légi bu féké ndaw si par exemple dafa téy bopam parce que amul période bo xamni da ci téy bopam di téy bopam ba xamni période bo xamni sey bi dañ ko ci mëna tass ou pas non sey xam nga bu doon lool la mais bu doon lool la affaire bi simple bu doon lool la kon non bu bare kon bu doon lool la sey yépp tass sey wala 90% sey tass na 90% sey tass na voilà parce que voilà non goor gi sax lañuy wax né subhanallah goor gi lañuy wax né lolou lañuy wax al ila ci sharia al ila ou lu tudde moy goor gi dafa tey bopom par rapport ak soxnam pendant 4 mois 10 jours yo xamé wala 4 mois astaghfirullah 4 mois yo xamantene djégéwul soxna ci nangou ko lan nangou ko djégé bu boba day dem ci juge bi né soit da ngay add sa soxna da ngay nek ak mom manam ak droit yi mu am ci yow yep en tant que jabar en tant que soxna wala ñu tassé juge bi boba moko obligé wala ñu tassé wa lool moy goor gi mais jigen ci amul lool parce que sur un voilà parce que lool il faut que ñu comprendre ko parce que lool hatta subhanallah amna benen affaire bo xamantene masala la bu am solo bo xamantene mom moy est-ce que même goor gi est-ce que ça yu ko nexé rek ku ko nex rek bu ko také rek heure bu ko nexé mën nako fassé nonou lolou li nga xamné deug xaqiqatan bu xolé masala bi xootal ko deug di gis né li xalaf yi wax rahmatullah alayhi li xalaf yi wax ci masala bobu mom moy li tag li nga xamné deug moy li sax moy li teggu manam goor gi du ñew rek di am droit sa yu ko nexé tak kenn heure bu ko nexé rek dal du koy bayyi nonou parce que lolou tongu ri day nek ci mbir bu fekkonté lolou manam lolou mom motax hanafi rahmatullah dañu deul goor gi bu ne day fassé soxnam amul droit fassé ko luddul ci ay ci ay anam yu leer luddul ci ay argument ak ay voilà ay anam yu leer munul ñew rek nonu rek way suma nexé fassé ko suma nexé tak ko suma nexé dedet lolou tamit te lolou hakikatan da ngay gis ne bo xolé surtout buñu démé ci ben qaida bi nga xamné koku qaida fiqhiya la moy takhayyurul ahkam bi takhayyurul zaman wal makan manam atté leg nimuy soppé ko parce que jamono ji mo soppé ko ak place té lolu par exemple même hanafi rahmatullah masalan utiliser nañ ko ci benen règle parce que ñom dañ japp né comme julit il est présumé équitable manam il est présumé juste ñom lo comme que lool lañ japp alors que ñeneen ñi ci dess dañu dédé le musulman n'est pas présumé équitable juste dédé justice manouté ak djub dañ koy prouver kenn duko présumé ci nit dañ koy prouver manam mo xam xamayam xam xam kenn duko présumé ha comme ni gaay def légui nga xamantene ñu ki fum de ñu ne diw ke doomu kan la doomu diwul a ko de borom mu wax kay ñu dédé lool amul de dang koy prouver manam da comme da tout chose hein bo né médecin la ana sa diplôme médecine nañ lay laaj voilà bo waré ubi cabinet c'est pas parce que dama am dama ñëw rek taxaw né gaay man dama ay mat nangam ke da ngeen may jox sen doom ma di len jangal dañoo nek classe d'examen dédit affaire dewe non il faut que man ma prouver ko manam man ma wané né man li xamna ko man na ni ngi non du le voilà voilà juste manam justice tamit non la mel manam manouté du luñuy présumé ci nit manam dafa wara nek luñuy prouver lolu mom motax khalafiyé rahmatoullahi alayhim ñom même bi nga xamné ñom seen borom xam yu jëkki lolu lañ daan wax rahmatoullahi alayhim dañ daan wax nan comme le musulman est présumé juste kon bu boba n'importe qui parmi les musulmans n'importe qui ci bir julli ñi nak buñ ko jëlé mën nañ ko cédélo lu nek mën nañ ko cédélo mais biñu dem ba nga xamné dañu dem ba fenn jamono ñu seen borom xam yu dañu refoirat copie bobu dañ ni attention affaire bobu lolou nak legui ñun dootuñu ko japp comme non parce que lolou biñu nga daan wax moy jamono yu jëkki mais jamono ji dañu dem ba jamono jo xamantene bis bo defé lolou ñaari nit ñoy taxaw comploté daal ni wax né meurtre bi xewon feulé diw moko def mom lañ fekk mu ray ci ak ñu japp waaji ray ko ci waxu ñoo xamantene maadu wuñu manam kon moba atté bobu dañ ko daal ni mabal manam lool la manam parce que acte bi day soppé solo époque bi ak place bi parfois ci kaw lool nak lool mom mo indi ci lan la non masal ci manam le fait que vous mettez ji côté bob ku gor non ku gor ki la voilà ci kaw lool tamit lool même wax jojo boko topaté ci yeneen masal bi sax da ngay gis ni wax jojo wax yu deugur lay doon manam keni munuñu rek permettre goor n'importe qui rek muy def rek sa yu ko nexé mu tak kenn heure bu ko nexé mu bay sans am ben compte bu muy rendre à personne non lolou mun lolou parce que lolou buntu bob bis boko ubbé surtout suñu jamono mais li nga do wax mon lo wadi waxon Sénégal ñu bokku nek ci ah non non lolou ki la un contrat wawa c'est contrat ki o digi da e gonto tontu nako si tontu nako ngay digi mom non gor voilà exactement manam voilà lolou digi na parce que dañu fogol ni mën yomb bur digen non mais sunu lolou hein avant man ñu déssé won lèr mom moy parce que xam nga en fait bu féké ni ku goor lay bañ ku goor ki mëna bañ 1 an 2 ans 3 ans fék juge bi demum ci mom ta sé bi ku jigen ku du mëna libéré wol ku jigen ki mëna dem bëggatul mais nan lay def pour génn ci sé bi mais loolu lañ lay wax nga c'est à dire que il faut que loolu mom tamit non la rek il faut que juge bi mëna voilà il faut que raison valable parce que il faut que tamit waaj parce que loolu à un moment donné waaj tamit mom moy xamné il faut mu baye daw voilà mo mo koy xam voilà tout simplement ni kaw beug do mo raison bu raison bu valable bo xamantene dañuy ñew na test ci sey bi ci mali foro non beug tu ma wa li kaw ki tuki ko di tuki jabarji ñu yagu fa yagge voilà koku tamit jabarji su ko nexe mu ñaan batam voilà lool xam nga cas de figure parce que lan motax ila ñu mën tassé bi ci lool xam nga tay bu doon goor ji jigen jé tukki jigen ji du mën tassé yam ci dafa tukki alors que goor mo manam alors que bu dé goor ji tukki jigen ji mën na tassé yam ci kaw né goor ji mo tukki yag fa voilà c'est à dire que gis nga différence bi am mais temps bi hein temps voilà su fek internet tok na fa 4 mois té ah mais non jigen di moy xol rek ndax day tok wala dé voilà moy xol ba xam mom arrangé nako wala dé su fekké dañ arrangé wuko mune man arrangé wuma sey duma sey ci condition bi mais nak par contre amna len lo xamne mata baye xel su fekente ne daf ko nangou won dès le départ ci sey bi doot ko mun bagna su xamone ne dès le départ ke ni mom voilà individu bi mom day tukki lu beuri te day yag ci tukki mi du tass seyum ci ay nan waji dafa ñewugul na d'accord donc en fait condition bo xamne ni ci départ bi lañ ko fixé wa bu ko xamé non parce que xam nga dafa am lo xamantene nak lañ ko dana kal al ma'ruf aqlan kal mashrut shar'an lol qa'ida qa'ida qa'ida fi khiyal qa'ida ni amé sol manam al ma'ruf aqlan wala 'urfan lo xamantene dañ ko xam ni rek de manière générale manam ci xel ni mok liñu xartal ci sharia ñoyam té par exemple waji bu ñëwé ni ah man da dama la bëgg tak nga né yow mbokki fan nga né man day mbokki mum feulé ah mbokki mum feulé waaw wa yow tañ nga nuy manam nga xam ni mom day tukki lu bari man kat damay tukki ah wa de temps en temps damay faral di nekk Italy lu bari masala tok fa dama fay tok parfois 1 an 2 ans do gnu etc ba wala ñu xamne immigré nga rek manam de manière générale yow doy di def chaque 4 mois nga ñew lool do ko def xamnañ ko lool nga xamne xamnañ ko ci dès le départ loolok luñu chartal ci sharia ñoyam parce que bi may contracté contrat bobu bi mu koy def xamone na ni ci circonstances yi lay nek lolou ak tay ñu taxawon chartal ko ni ah sey bi kat pour ñu chart pour mu am ci condition yi lay amé ñoyam parce que xamone na ci kaw lolou nak jigen bi bu fekkone tane dès le départ xamone na le waji non lay rune ba bare nak mu dugg ci sey bobu du mun ñaan ba tam ci condition yoy parce que su do lolou sey yep tass waji jigen bi day tok rek way dama wet dal di joy waaw waji wo téléphone bu joy comme ni ko jigen ñi defé bu joy non mais sagara dal di wax de ki way holo do gëk na kam na go acha ñu dal di tassé bi ah dunus voilà voilà bu fekké né waji nak mo tukki nak manam comme tay ba biñuy tass biñuy tak sey bi waji mi ngi won fi ci dëkk mais biñ ko takké ba ñu dem ba jëmmi jamono attention amna benen affaire tam bu am légui tamit lolu cadre figure bu mu nekk la moy jigen ji né ah manam waji né ko man dama lay tak mais damay tukki manam comme niko d'ailleurs sax lolu atou la pour mu tak ndax parfois manam né bu ko takké ba paré ci fan yi ci téggu wala ci wéyar yi ci téggu da wara dem Italie par exemple ndaw si xamna lolu kokku bu démé tukki di du mu tassé bien fim koy mu tassé moy su fekkante na daf ko takkon ba ñu xamuñu won lolu ci départ ba ñu dem bu jëmmi jamono mu ne ko nak légui dama bëgg dem émigré ji bu démé nak voilà ba paré tok yag fa nak boba ndaw si mëna tassé mi ci condition bobu parce que lolu yoy yep dafa ma tafay xal voilà mais lolu ndaw si ci condition bobu lay mu tassé alors que tay imaginer bu doon ndaw si tukki bu do ndaw si tukki du mun tassay ngir ni dama tukki wa par exemple amna jeuker Senegal par exemple jek dem États-Unis tok 1 an 2 ans 3 ans dal ni wala legui damay tass sama sey damay tass sama sey parce que ma sama jeuker nekuñu abadan lolou du mun nek lan motax parce que hein manam parce que dommage bi nekul ci côté mom mom mo créé dommage voilà mo créé dommage bi té bu doon lool la kon jigen ju nek meuna ko def liguey sax day xamni mom neex na bëgg rek non mais ça va pou mu sey rek pou mu déwé waaw rek daadi bu xëssé ba jël dot bi rek daadi tukki dem tok gat mo daadi woté gaay dañ ta sey bi ñu tass mu dem takki kene waaw yalla ñu yalla sam Vous voulez que vous vous êtes en train de faire des choses. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que voilà lool moy ziwadul muta dafa am ben partie lool mom dafa haram ci ijma wa ahlus sunnah wal jamaa ci ñoom ñoy ñoo ñoo ko daganal manam moy ne mo lool lañu tudde mariage temporaire voilà jeex lool legui yakana sénégalais dootu ko lajatt parce que xam nañ voilà legui mu am benen affaire bu am moy ki nga xamne da fay tukki dafa da nga dem fenn xamne mom du fa yagg wala dina fa def 2 ans 3 ans le temps que mu fi nek mu bu fa am soxna lolu bu fekke den daf ko def ci yinim rek def ko lolu mom day am bakaru wor mais du sey bi dina dagan parce que condition yi nga xamne mom lañuy daganal sey ñi ngi fi comme jigen ti nga xamne tane tamit daf ni won dama gis ne day dugg ci sey bi am intention après manam provoquer waji fassé ko après mu attaquer ko justice comme niñu def ak borom xaliss mu attaquer ko justice hein gaay jël xaliss waji xat ko ñaar jox ko benn bi ci dess et cetera manam mom mu xamné lool la mu sey bi dagan na mais sauf que manam bakkar bi mi am yoy yeneene bakkar la yu ci la ni ko non ko xamantene bi mi dem daf ni ndaw si li mom ko def li nga def dafa haram c'est que nekku ko dem ne ndaw si man ñew ni ah man kat dama fi ñew doxandiyam la fi dama lay indi tak dama bëggono tak ndaw si nak dama bëggon ngeen man may ma seen dom nangam mais nak fi yepp ñaari at damay delu te bu may delu xamna ni rek dama koy daadi yewi manam xéet yoy lolou ko def dafa haram lolou mom dafa haram parce que lolou mom lañu tuddé ziwadul muta ko lay may sax lañu hein anké tout départ wa légui nak imagine tay bu fekkenté wa légui nak amma ki nga xamanténé mom dafa ñew waxul dara précisé wul dafa ñew rek né dama bëggon ngeen may ma ki mais mom ci intention moy buy dem da koy wacc kok mom moy am bakar wor be ak yoy non ak lepp lu aju ci dommage yi nek ci lolu cependant sey bi mom dagal na voilà comme ni alqadi ayat wa rahmatullahi borom xam xam yeb d'accord nañ ci lolu wa mën nañu yam fofu inshallah bo xamantene yaakaaru ñu sax mu wër est-ce que do koy wacc est-ce que do koy wacc motax mais xam nga imagine tay nit ne manam taxaw faqe dané waw non do ko wacc mais subhan rabbi manam xolal buntu bobu limi ubi ci ay musiba parce que mariage quand même dans en quelque sorte amna ben parti bu ci li chrétien di wax nan pour le meilleur pour le pire amna ci parti en fait peut-être que ñom dañu dem ba extrême mais amna ci parti quand même ñu melni sa dom rek c'est pas parce que dama febar nangam ci ko dogu te tout même ñu ko yor ko et cetera voilà si ak tamit ne wala bu fekente manam nit ki dafa amone manam jekki ji dafa amone mu jekki daldi ñak est ce que way ndaw si day ñaan batam yoy yep mo der ci ma wa non en fait dani yeenbi sallam lolou lu amata baye xel la hadith bobu yeenbi sallam dafa ni man dafa joxe cas de figure yi existé mais yi nit ñuy tak jabar wala ñuy dugg ci sey imam ngir buñu set der di bo jigen la joxe exemple mais jek go manam ki bi tamit côté bi tamit vice versa la ko moy ne dañ ngir alala ngir askan wamu bok ngir taram wala bo ngir diine manam lolu moy mom xolal jamono lolu mom mo am bon même suñu jamono amna yene yu jox lu demé nek ay mais lolu moy askanam la ci askanam la dugg mais non par exemple ay ay par exemple ndaw si intellectuel la buma ko présenter manam bumay bu ñeké suñu bir xarit yi buñuy wax deug dañ may gëna jox gëdd wala ha si wala buma andé mom damay am code wa wala bok bo xam wala wala classe la wala ak yu mel nonu yoy ay xéti ay xéet awla ha mais lolu yentou bi sallam dafa ni mais yow limay digal moy tanal borom dini ci wa comme alal di bokk na ci quatre conditions yi tamone tax ni de information la constat voilà hadith bi constat la voilà moy xolal imaginer legui d'ailleurs dafa ni sax kep ku tak jigen ngir alalam mo ni amna benen hadith bu ko mo dani la tonki khul mara li malaha la mo ne la allama laha wala bok fa asa wala bok la allama laha an yutghihim wala mo la tonki khul mara li jamalaha al allama laha an yubghihim manam bu len tak jigen ngir sen alal parce que amana sen alal gogo dañ len di beewlo day tax ñuy mën di fétéru dëgg wa mais loolu mom parce que jigen mom loolu bo ñun ñëpp xam nañ comprendre nak doona bu fekké de la mortelle sa défense mortelle la sa cadeau bu fekké de la player a no si wala non bu fekké de mo ngay ñaari cadeau am mo wa bu fekké de wa bu fekké de dafla yor mom loolu mom kata après yow mom do am ben cadeau mo legui su fekente ne tamit non si su fekente ne tamit wa ala kul hal dal comprendre wala ko wala lool mom comprendre nango wala xalis ben ta du choix du ki wa du jeul comme condition non mom yent bi sa dafa déconseiller lool fortement wala dafa déconseiller sax nit ñi di tak ni jigen di ngir alalam wala dëgg bëb bi mom moy dafa déconseiller tam nga tax ko ngir taram kessé parce que taram gogou daf ko day tax mu yëg bopam wa waxe mu na la xana xolo sama xol ba ya la ñala sa sey ben la mais ñepp ño xamné dañuy passé sen somme ndax comme ne doon wax ka maladie ndax lool mo am dañu nan sen somme dañu am cioro rap légui mënu ñu sék mom légui lool bokul quoi parce que xam nga ko dakoy bon lool dañu departé bu fekkante na mënu nako fat wala mënu ko fat quoi lool aussi am ni nga xamanteni dem benen ka ko am do façon am ndax la len sonu ci def ko wax ne ko tout ne ko sama ki defo sam yaay mo nek sama ki defo lu mu wax la ah non ko kay mo ko wacc wa bude man na ñëwé na ko wacc am na parce que am na xam dañu am sama ñu ñëwé wuñ ko wacc ha yeen ci jom non ba paré sa dafa am bi affaire même ci affaire alal do imagine même da ngay gis différence bi am sax même entre rek digeen di nga xamné dang ko fekk rek ci kërëm ak digeen di nga xamné mo la mo sey ci ñeu fekk na sa kër lolu rek différence bu mag bu ci am bobu ha bo di sey waaji ci ben na xali bu sey teru ndaw ci la nek ko waxe lu nekul ndaw ci dakh ko dugul jenn waaw non mais waxuma la dara mais même bo len gis ngeen bo len dikki ci ay dukk yu wute ni rek bu ñewé sa kër ak bo démé kërum du ben ñaar yoy rek mo ñewé kër ak bu ñewé sa kër ben fi da ngay gis mu docile ki top mais bo dewe mom non legui nak imaginer ki nga xamantene nak ci base bobu la tekke ndaw maintenant nak amna ci jigen ño xamantene ñoñu mom vraiment no munti mel manam ñom buñ la yoré lot aduna li ci bir sax gisunu lool amna ñu mel non comme sayyidat khadija radiyallahu anha wa mom non la melon